Grève des médecins et des cheminots. La France paralysée. La France fait face à une vague de grèves majeures touchant à la fois le secteur de la santé et celui des transports ferroviaires. Depuis le 5 mai, les cheminots de la SNCF, conducteurs, contrôleurs et personnels techniques, sont mobilisés pour réclamer des augmentations salariales, de meilleures conditions de travail et un renforcement des effectifs. Si les lignes TER régionales sont particulièrement perturbées, les trains à grande vitesse TGV circulent pour la plupart, même si des modifications d'horaires sont à prévoir. En parallèle, les médecins ont eux aussi lancé un mouvement social pour dénoncer la surcharge de travail et le manque de moyens alloués au système de santé. Ce mouvement entraîne des retards dans les soins, ainsi que l'annulation de nombreuses consultations programmées. Les syndicats appellent à une prise de conscience urgente de la part des autorités, estimant que la situation ne peut plus durer. Le gouvernement redoute des répercussions économiques, notamment à l'approche de la haute saison touristique. Le ministère des Transports a averti que les perturbations dans le réseau ferroviaire pourraient coûter plusieurs millions d'euros à l'économie nationale.